Ah, dunque, on va faire une traversée du pavillon français vers 14h, je dirais. Thank you. fait de la maison de mon ancêtre. D'accord, oui, oui. Donc, tu as les mains occupées. Ouais. Alors, combien ça les mains que... Tu veux bien faire un grand clap dans ta main? Ah non, ça va.